Algues. Partons à la Renaissance sur l'île de Burano. Une jeune Vénitienne y attend le retour de son fiancé. Le jeune homme est parti pour plusieurs semaines comme matelot. Avant d'embarquer à bord du navire, il lui a offert une algue trouvée lors de son dernier périple dans les contrées lointaines, sans doute prise dans un filet. Cette algue ne ressemble pas à celle qu'on voit habituellement ici dans la lagune. Reliées entre eux par de fines barrettes, des lobes minuscules buissonnent en grappes touffues. Minutieusement, la jeune Vénitienne les détaille dans le creux de sa main. Elle est habile de ses doigts. Elle prend une aiguille et du fil de lin, puis commence à reproduire l'algue encore fraîche. Méticuleusement, elle brode sur un parchemin des picots minuscules qu'elle relie un à un par de fines brides festonnées. Cela lui prend des jours entiers. Son ouvrage terminé, elle détache du parchemin le buisson de lin où s'infiltre alors, çà et là, la lumière du jour. Ainsi a été confectionnée, selon la légende, la toute première dentelle à l'aiguille. Depuis, des milliers d'autres dentelières ont composé, avec la patience et le soin dont seul l'amour dispose, ces légers bouquets de lin où vogue sur des vagues de rinceaux la flore éphémère du vivant. Marie Stuart, reine de France et d'Écosse, excellait dans les travaux à l'aiguille. Il nous reste quelques-uns des ouvrages qu'elle a confectionnés durant les 18 années de sa captivité au château de Bolton. Le jour de son exécution, le bourreau chargé de la décapiter à la hache était ivre. Il lui fallut s'y reprendre à 3 fois avant de complètement trancher la tête de celle qui avait brodé sur sa robe « En ma fin, j'y mon commencement ». L'humanité en général ne fait pas dans la dentelle, mais chacun peut, avec les moyens dont il dispose, confectionner un filet pour recueillir l'algue précieuse dont la lumière, semblable à celle des astres, perdure bien longtemps après que l'époque qui l'a vue naître soit éteinte. Gilles Rocton, dimanche 17 novembre 2024.